Tableau de la nature de François-René de Chateaubriand. 5. Nuit de printemps. Le ciel est pur, la lune est sans nuages. Déjà la nuit, au calice des fleurs, verse la perle et l'ambre de ses pleurs. Aucun zéphyr n'agite le feuillage. Sous un berceau, tranquillement assis, où le lilas flotte et pend sur ma tête, je sens couler mes pensées rafraîchies dans les parfums que la nature apprête. Des bois dont l'ombre, en ses prés blanchissant, avec lenteur se dessine et repose. Deux rossignols, jaloux de leurs accents, vont tour à tour réveiller le printemps qui sommeillait sous ses touffes de roses. Mélodieux, solitaire s'aigrait, jusqu'à mon cœur vous portez votre paix. Des prés aussi traversant le silence, j'entends au loin, vers ce riant séjour, la voix du chien qui gronde et veille autour de l'humble toit qu'habite l'innocence. Mais quoi, déjà, belle nuit, je te perds, parmi les cieux à l'aurore entr'ouverts, Phébé n'a plus que des clartés mourantes, et le zéphyr, en rasant le verger, de l'Orient, avec un léger bruit, se vient poser sur ses tiges tremblantes.